إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc on commence aujourd'hui le cours numéro 2 dans la lecture du livre de Cheikh Ubayd al-Jabiri, Hafizahullah Ta'ala, Qat'u al-Lujaja. C'est l'explication de l'introduction de l'imam Ibn Majah dans son Sunan. Hein? Donc le livre s'intitule Qat'u al-Lujaja ou Qat'u al-Lajaja, بشرح صحيح المقدمة من سنن الإمام ابن ماجة. Et donc c'est pour dire que c'est pas la muqaddima au complet, c'est qu'est-ce qui est sahih seulement, c'est-à-dire les hadiths authentiques de l'introduction du sunan de l'imam ibn Majah. Et l'imam ibn Majah, on va le répéter, je pense que c'est une bonne chose de le répéter à chaque fois pour faire en sorte qu'on apprenne son nom. Hein, son nom, c'est sa kunya, c'est Abu Abdullah, et son nom c'est Muhammad ibn Yazid ibn Majah al-Qazwini. Donc son nom c'est Abu Abdullah Muhammad ibn Yazid ibn Majah al-Qazwini, qui est né en 209 et qui est mort en 273. Qui est né en 209 et qui est mort en 273, parmi les imams d'Ahl-Sunnah, hein, des ulama d'Ahl-Sunnah et des imams des Salaf, un des grands savants du hadith. On est arrivé dans le livre à la page 13, c'est le hadith, ils ne sont pas numérotés par des numéros, donc on ne peut pas, comme si... on ne peut pas fonctionner par le numéro des hadiths, mais sinon, bon, je pourrais dire que le numéro des pages, pour ceux qui ont le livre, hein, on pourrait quand même suivre avec le numéro des pages. Et sinon, par le titre, par le hadith lui-même, c'est possible de se retrouver. Naam, je pense que c'est la meilleure façon, on n'a pas d'autre choix. Naam, donc on est rendu à la page 13. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Avant de commencer avec le hadith, je voudrais juste revenir sur un point que j'avais laissé au dernier cours, et c'est la parole de Cheikh Abdurrahman al-Sa'di. Dans sa manzouma sur les règles du usul al-fiqh ou les qawa'id al-fiqhiyya, plutôt manzoumatul qawa'id al-fiqhiyya, il dit dedans, et j'avais lu ça la semaine passée, wa laysa wajibun bil iqtidar wa la muharramun ma'a ittirar, et j'avais expliqué la deuxième partie, mais la première partie j'arrivais pas à comprendre, ou je voyais pas le sens. Mais lorsque je suis retourné à la maison, après j'ai regardé, puis j'ai dit ah oui, là je comprends qu'est-ce qu'il veut dire. Et finalement c'est ça. Donc quand il dit laysa wajibun bil iqtidar, ça veut dire qu'il n'y a pas d'obligation s'il n'y a pas de capacité. C'est-à-dire que si tu peux, si tu n'es pas capable de faire quelque chose, dans ce cas-là, ce n'est plus obligatoire. Et il y a plein d'exemples de ça dans la charia, comme l'exemple de la personne qui ne peut pas prier debout. Alors dans ce cas-là, c'est plus obligatoire pour elle. Dans ce cas-là, elle peut prier assise. Et si quelqu'un ne peut pas prier assis, eh bien dans ce cas-là, elle n'a pas la capacité. Donc c'est plus obligatoire pour elle. Dans ce cas-là, elle ne peut pas prier debout ni assis. Donc elle prie, par exemple, allongée. Hein, ça c'est un exemple. Il y a beaucoup d'autres exemples comme ça. C'est une règle générale dans la charia. De même que wala muharramun ma'at-tirar, il n'y a pas d'interdiction avec la nécessité. Ça c'est la règle, yani al-darura tubih al-mahdhura. Qu'est-ce qui est nécessité, ça rend licite ce qui est interdit. Donc ça c'est deux principes parmi les grands principes de la charia, et je voulais juste revenir là-dessus pour que ce soit clair. Donc si quelque chose on n'est pas capable de le faire, eh bien son obligation elle tombe, hein? Et ça c'est dans toutes les règles de la religion, que ce soit dans la salat ou dans le jihad ou dans le hajj, dans n'importe quelle autre religion. L'iman istata'a ilayhi sabila, hein? Dans le hajj, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit c'est obligatoire pour celui qui est capable, hein, qui a les moyens, qui a la capacité. Ayant dit ça, on va continuer avec le hadith suivant. Le cheikh il cite donc le hadith qui suit. عن أبي جعفر قال كان ابن عمر إذا سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا لم يعده ولم يقصر دونه. Donc ça c'est une parole ici qui est rapportée selon Abi Ja'far, qui dit que Ibn Umar radiyallahu anhu, le fils de Omar ibn al-Khattab, lorsqu'il entendait un hadith du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il ne le dépassait pas, c'est-à-dire il ne transgressait pas ce qui était dit dedans, et walam yuqassir dunahu, c'est-à-dire il ne faisait pas preuve de négligence vis-à-vis de ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait ordonné, hein. Donc il était toujours sur l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ordonnait, il le faisait et il ne dépassait pas la limite, et il n'était pas dans le manque non plus. C'est rapporté par c'est-à-dire Cheikh Al-Albani, il dit que ça c'est un hadith qui est authentique, sahih, hein, parce que c'est le sahih de Sunan Ibn Majah. Donc c'est tiré du sahih que Cheikh Al-Albani a composé, c'est-à-dire il a séparé les hadiths authentiques des hadiths faibles. Et donc Cheikh Ubayd Al-Jabiri hafizahullah, il s'est limité uniquement à ce qui est sahih, il n'a pas pris tous les hadiths, il n'a pris que ceux qui sont authentiques. Le Cheikh il explique maintenant, Cheikh Ubayd hafizahullah ta'ala, هذه منقبة من مناقب أبي عبد الرحمن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما، وهذه المنقبة أنه مع النصوص، وهكذا ينبغي لكل مؤمن بر تقي ناصح لنفسه ولغيره أن يكون مع النصوص، يقف حيث وقفت به النصوص ويمشي حيث مشت به النصوص. وهذا بالإضافة إلى ذلك ينبهنا إلى أمرين. الأمر الأول أن المسلم لا يكلفه الله فوق ما علم حتى وإن كان عنده نقص في الفهم، لقوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. والأمر الثاني وهو أنه ينبغي لطالب العلم من الرجال والنساء الذي رزقه الله علما وآتاه ثاقب نظر أن يجمع نصوص الباب، وهذا هو عين الفقه. فما ضل من ضل إلا حينما فرط في هذا الأمر. Donc on va traduire ça puis on va continuer après. Le cheikh il a dit que qu'est-ce qui est mentionné dans ce hadith ou dans cette parole ici de la part d'Abi Ja'far à propos d'Ibn Omar? Il parle du fils d'Omar ibn al-Khattab, parce que Omar, le fils d'Omar ibn al-Khattab, Abdullah ibn Omar, il était connu comme quelqu'un qui était très assidu et très perfectionniste dans sa façon de suivre l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il voulait suivre dans les moindres détails le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et il donnait à cela une extrême importance, une grande importance. Et donc ça, ça fait partie des qualités, parmi les qualités de Abu Abdurrahman, c'est sa kunya, Abdullah ibn Omar radiyallahu anhuma. Et cette qualité, elle est en fait reliée à sa relation avec les textes de la révélation, avec les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et lorsque lui parvenait une des paroles du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il ne la transgressait pas, il ne la dépassait pas et il ne la négligeait pas. Il faisait preuve de respect et il la mettait en application. C'est ainsi que tout musulman croyant et pieux doit être. C'est ainsi que tout musulman croyant et pieux et sincère doit être avec lui-même. Hein? Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Doit être pour lui, yani en lui-même et avec les autres. Toute personne qui est sincère envers elle-même et qui est sincère envers les autres doit être de cette manière-là avec les textes de la religion. Il doit s'arrêter là où les textes s'arrêtent et marcher là où les textes avancent. C'est une façon de parler pour dire que tu dois marcher avec les textes, et si les textes t'ordonnent quelque chose, tu dois le respecter. Et si les textes t'ordonnent de t'abstenir de quelque chose, tu dois t'en abstenir. Hein? Donc là où les textes t'arrêtent, tu t'arrêtes. Là où les textes te demandent d'avancer, tu avances. Et en plus de cela, cela nous indique deux choses importantes. La première chose, c'est que le musulman, Allah subhanahu wa ta'ala ne va pas lui faire porter une charge qui dépasse son niveau de science, qui est au-dessus de son niveau dans la science. Même si, c'est-à-dire que si la personne, par exemple, elle a un niveau plus faible dans la compréhension de la religion. Et ça, c'est basé sur le hadith, plutôt le verset dans le Coran, verset 286, dans Surat al-Baqarah, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit que Allah subhanahu wa ta'ala ne fait pas porter à une âme une charge qu'elle ne peut pas porter, qu'elle ne peut pas supporter. Et le deuxième point, c'est le fait qu'il dit il est nécessaire et il est obligatoire à la personne qui est en quête de savoir parmi les hommes et parmi les femmes et à qui Allah subhanahu wa ta'ala a donné une science et une compréhension des choses, elle doit absolument savoir qu'il est important de réunir entre les textes. C'est-à-dire que lorsqu'il y a une question qui est abordée dans les questions de la religion, eh bien, tu ne dois pas t'arrêter à un seul hadith ou un seul verset sur une question quelconque ou sur un sujet quelconque. Parce que, en fait, beaucoup de gens sont tombés dans l'erreur, comme le cheikh il va l'expliquer. Beaucoup de gens sont tombés dans l'erreur à propos de la religion parce qu'ils se sont trompés dans la compréhension des textes, dans le sens que ils ont pris par exemple un hadith puis ils se sont concentrés sur ce hadith là en particulier et ils ont négligé de regarder les autres textes, soit dans le Coran ou dans la Sunna authentique, qui rajoutent des points qui sont reliés à cette question là et qui vient la clarifier. Et donc c'est pour ça que beaucoup de gens se sont égarés à cause de ça. Il y a quelqu'un, par exemple, il va prendre un hadith sur un sujet quelconque qui parle de quelque chose, comme on a mentionné hier un hadith à ce sujet-là, dans cet exemple-là. Eh bien, il va prendre ce hadith-là qui mentionne quelque chose à propos d'un sujet, mais qui ne mentionne pas tout. Tandis qu'il y a d'autres textes, soit dans le Coran et dans d'autres hadiths, qui viennent élaborer un peu plus et rajouter des règles et des conditions à ce sujet-là. Oui, c'est ça. Comme on a dit l'autre jour, par exemple, les œuvres ne valent que par leur intention. Bon, si on s'arrêtait uniquement à ce hadith-là seulement, puis qu'on ne prenait pas compte des autres hadiths qui clarifient d'autres points et d'autres détails et d'autres conditions par rapport aux œuvres, eh bien, on pourrait penser que peu importe ce qu'on fait, hein, du moment qu'on a une bonne intention, alors dans ce cas-là, ce sera accepté, même si c'est pas en accord avec les autres conditions, comme par exemple le fait de respecter la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de ne pas faire d'innovation et ainsi de suite. Mais heureusement qu'il y a d'autres textes qui viennent clarifier ce point-là. Donc ça, c'est un exemple. Le cheikh, il va rajouter d'autres exemples à ce sujet-là. Il dit « فالمرجئة ضلت فقالت لا يضر مع الإيمان ذنب لأنهم اتكلوا على نصوص الوعد والوعيدية من معتزلة وخوارج ضلوا لأنهم أخذوا نصوص الوعيد وأهل السنة جمعوا بينهما فرزقهم الله الاعتقاد الصحيح وهو التحذير من المعاصي وأنها تنقص الإيمان وتكدر صفوه فالفاسق الملي عندهم مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته وهذا حكمه الدنيوي أما حكمه الأخروي فإن مات دون توبة فإنه تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى وهناك أمثلة كثيرة يطول ذكرها ويعجز المقام عنها ولكن أنا بينت حسب علمي كثيرا منها في مجالس قبل هذا في مواطن عدة فليرجع إليها إن شاء الله. Donc le cheikh il dit, par exemple, les murji'a, ils se sont égarés lorsqu'ils ont dit que la foi, lorsque tu as la foi, eh bien ta foi n'est pas affectée par le péché. Peu importe le péché que tu fais, peu importe la grandeur du péché, peu importe la quantité des péchés que tu fais, du moment que tu es croyant, ta foi elle est toujours complète, ta foi elle est toujours entière, ta foi elle est toujours parfaite, et les péchés que tu fais n'ont aucun effet et n'ont aucun ne font pas du tout diminuer ta foi. Ça, c'est la position de la secte qu'on appelle les murji'a. Parce que eux, ils disent, la foi c'est dans le cœur, et la foi c'est une chose unique, et la foi, si tu l'as, eh bien ça y est, elle diminue jamais, et elle est égale pour tout le monde a le même niveau de foi, et les péchés que tu fais n'ont pas d'effet sur ta foi. Donc ça, c'est un groupe qui a dévié à propos de la foi. Et une des raisons pourquoi ils ont dévié au sujet de la foi, c'est parce qu'ils ont concentré leur attention uniquement sur une catégorie des textes, c'est-à-dire les textes qui parlent de la promesse divine, de la miséricorde et du pardon, et ils ont négligé les textes qui parlent de la menace et du châtiment, et ainsi de suite. Tandis qu'il y a un autre extrême, un autre groupe qui a dévié et qui est allé à l'extrême des murji'a, à l'autre extrême, à l'opposé. Ce sont les Mu'tazila et les Khawarij. Et eux, ils se sont égarés au sujet de la foi parce qu'ils se sont uniquement basés sur les textes dans lesquels Allah subhanahu wa ta'ala parle du châtiment et de la menace. Et ils ont négligé complètement les textes qui parlent de la miséricorde d'Allah et du pardon. Donc, les gens d'Ahl Sunnah, eux, ils se retrouvent dans le juste milieu entre ces deux extrêmes. Et ils ont donc réuni entre les textes qui parlent de la question. Ils n'ont pas pris uniquement les textes sur la menace, et ils n'ont pas pris uniquement les textes sur la promesse divine de la miséricorde et du pardon. Ils ont pris les deux ensemble, et ils les ont appliqués ensemble et acceptés les deux ensemble. Et donc, il dit, Allah subhanahu wa ta'ala leur a donc donné la bonne croyance, la croyance authentique, c'est-à-dire de mettre en garde contre les péchés et de mentionner que les péchés ont un effet de diminution sur la foi et qu'elle diminue de la pureté de la foi et que le pervers et le pécheur dans la religion, c'est-à-dire le musulman qui commet des péchés et يعني qui commet des choses, c'est-à-dire interdites, qui fait des péchés dans la religion, c'est-à-dire qu'il est musulman mais il fait des péchés, eh bien il ne le considère pas mécréant à cause de ça. Il considère que c'est un musulman, que sa foi est faible, hein, il est croyant par sa foi et pécheur par son péché, par son péché. Ça c'est son verdict dans la vie d'ici-bas. Puis son verdict dans l'au-delà, c'est que s'il meurt sans se repentir du péché qu'il fait, il sera sous la volonté d'Allah. Si Allah veut lui pardonner, il peut décider de lui pardonner par sa miséricorde. Sinon, il peut également décider de le châtier et de le mettre en enfer par sa justice. Et bien entendu, tant que ce croyant est mort avec une foi dans son cœur, dans le sens que il n'a pas commis de shirk majeur ni de kouf majeur, donc il est mort musulman, il n'a pas commis de shirk, il n'a pas commis de kouf majeur, donc même s'il entre en enfer, il n'y restera pas pour l'éternité. Il va y rester pour un temps que seul Allah subhanahu wa ta'ala connaît. Puis lorsque Allah subhanahu wa ta'ala aura décidé que le châtiment qu'il a eu est suffisant pour le purifier des péchés et des crimes qu'il a commis, eh bien il va le faire sortir de l'enfer et le faire rentrer au paradis pour qu'il y demeure pour l'éternité par la suite. Mais c'est pour dire que des musulmans, des croyants, c'est possible qu'ils restent, c'est possible qu'ils rentrent en enfer, mais tant qu'ils sont musulmans et qu'ils n'ont pas commis de shirk ou de kufr majeur, ils ne demeureront pas éternellement en enfer, ils vont sortir. Donc le pécheur qui meurt sans repentance, il est sous la volonté d'Allah dans ce sens-là. Soit Allah va lui faire miséricorde et le faire rentrer directement au paradis, ou bien il va le punir un certain temps, puis il va le faire rentrer en enfer et le faire sortir par la suite pour le faire rentrer au paradis éternellement par la suite. Il y a d'autres exemples qu'on pourrait donner à ce sujet-là. Le cheikh, il dit, on ne peut pas tous les mentionner, ce serait trop long, et en même temps, yani, ce serait compliqué de le faire maintenant. Mais il dit que, yani, selon ma connaissance, j'en ai déjà parlé dans d'autres cours, dans d'autres moments, et donc celui qui veut avoir connaissance des détails de ces exemples-là, il peut y retourner. Et qu'est-ce qu'il veut dire par là, le cheikh? Il y a beaucoup d'exemples. Et comme il dit, c'est vrai que ce serait long de tous les mentionner en détail, mais par contre, on pourrait juste citer comme exemple les exemples des questions qui ont rapport avec le qadar. Ceux qui ont exagéré dans la négation du qadar, c'est-à-dire les qadariyas qui ont nié la prédestination, qui ont nié que Allah subhanahu wa ta'ala a tout écrit et tout prédestiné, ce qui va se produire dans l'avenir. Et l'autre extrême qui sont les Jabriya, qui eux ont exagéré dans l'affirmation de dans l'exagération de l'affirmation au point de nier à la créature sa volonté et son choix dans les choses qu'il fait. Donc ils ont exagéré dans le fait de dire que Allah subhanahu wa ta'ala il a la volonté absolue et tout, ça c'est vrai. Mais en même temps, de notre côté, ils ont dit, l'être humain, il n'a aucune volonté, il n'a aucune capacité, il est comme une plume qui se laisse aller dans le vent. Finalement, c'est Allah qui lui fait faire ce qu'il fait, il n'a pas de choix dans ses actions. Ça c'est ce qu'on appelle al-jabriya. Donc ça c'est l'autre extrême. Et tandis que les Qadariyas, eux, ils sont allés à l'autre opposé et ils ont dit, non, l'être humain, c'est lui-même qui crée ses propres actions, c'est lui-même qui décide de ce qu'il fait. Et même parmi eux, certains sont allés jusqu'à dire que Allah ne sait pas ce que tu vas faire jusqu'à ce que tu l'aies fait, ou des choses de ce genre. Donc ça, c'est clair que c'est très grave, c'est des paroles de kufr. Et les ulama ont dit que ces gens-là, ils sont déviés. Chacun de ces deux extrêmes ont dévié parce qu'ils ont uniquement pris une partie des textes, puis ils ont délaissé l'autre. Hein? Et donc, ça c'est un exemple. Et il y a d'autres exemples par rapport à d'autres questions qui ont rapport avec la foi aussi. Donc, tout ça, ça illustre une chose, c'est que il faut pas prendre un texte en particulier et délaisser les autres quand on parle d'un sujet ou d'une question, mais il faut tenir compte de tous les textes qui parlent d'un sujet. Sinon, on n'aura pas une vision, une compréhension, une lecture complète et claire et réelle d'un sujet dans la religion. Et c'est pour ça que vous voyez parfois certains égarés ou certains ignorants, surtout à notre époque, qui disent « Ah, vous faites une lecture littéraliste de la révélation, vous êtes des musulmans littéralistes, ou bien vous êtes des salafis littéralistes, ou des trucs de ce genre. » Et yani, tu trouves que ces gens-là, ils utilisent ce terme sans jamais l'expliquer réellement clairement. Tu vois? C'est rare que tu vas voir quelqu'un qui critique un musulman salafi d'être littéraliste, et quand tu lui demandes « qu'est-ce que tu veux dire par littéraliste ?» Eh bien, il reste comme ça, il ne sait pas comment l'expliquer, il ne sait même pas qu'est-ce qu'il veut dire lui-même par ce terme-là. Donc, si on n'est pas littéraliste, on doit être quoi alors? Hein? C'est comme, je me rappelle, c'est qui, je me rappelle plus, c'est qui? Il y avait, en tout cas, il y avait quelqu'un qui avait fait, c'était comme un peu une plaisanterie en même temps, qui disait, si ton père te dit, va faire le ménage, hein, est-ce que tu vas commencer à dire, est-ce que ça c'est, il veut dire faire le ménage littéralement, ou bien il veut dire que je dois juste faire le ménage dans ma vie, ou bien me peigner les cheveux, ou... Non, mais c'est parce que les gens, ils veulent jouer avec la révélation. Donc, au lieu de prendre la parole d'Allah pour qu'est-ce qu'elle dit, et de prendre les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam comme elle, par rapport à qu'est-ce qui est mentionné dans les textes, eh bien, ils veulent l'interpréter selon leur passion et leur désir, et faire dire à Allah ce qu'ils veulent eux. Donc, si on comprend bien comme il faut le principe qu'on vient juste d'expliquer, eh bien, on va comprendre que les textes, on les prend tels quels. Mais en même temps, on ne prend pas un hadith ou un verset tout seul, puis sans tenir compte des autres, pour l'appliquer sans compréhension. Et sinon, c'est sûr qu'on aura des erreurs dans notre compréhension. Donc, si c'est un sujet par rapport au n'importe quel sujet dans la religion, des adorations ou des règles de la vie d'ici-bas, ou des choses des règles du mariage, de l'héritage, des règles qui ont rapport avec le divorce ou autre, n'importe quelle question religieuse, le commerce ou autre, si tu parles d'un sujet quelconque, tu veux traiter de ce sujet-là, tu vas pas prendre un hadith en dehors des autres puis l'appliquer tout seul sans tenir compte des autres textes du Coran et de la Sunna sur cette question-là. Et en même temps aussi, tu vas regarder l'exemple des sahaba, comment eux, ils ont appliqué ces versets-là, et comment ils ont appliqué ces hadiths, et comment ils les ont compris. Et le fait de retourner à la compréhension des salafs, ça va faire en sorte que tu ne vas pas tomber dans l'extrémisme ou dans l'égarement vis-à-vis de l'application de ces versets-là. Tu ne vas pas le comprendre à ta propre façon, selon ta propre interprétation. D'accord ? Donc ça, c'est un point. Puis aussi, en même temps, il est important de comprendre aussi en même temps que les ulama de l'islam, ils ont dit que lorsque on regarde les textes du Coran et de la Sunna, la règle de base et la règle générale, c'est de le prendre dans son sens apparent. Hein? De prendre le Coran, le verset du Coran ou le hadith authentique, tu le prends dans son sens apparent. Mais s'il y a une preuve dans un autre verset ou dans un autre hadith ou même dans le hadith lui-même qui indiquerait que ce hadith-là ne doit pas être pris dans son sens apparent à cause d'un indice ou d'une preuve claire dans les textes qui fait comprendre que ce texte-là n'est pas à prendre littéralement, alors dans ce cas-là, hein, on ne va pas le prendre littéralement. Pourquoi ? Parce qu'on a une preuve, on a une référence qui nous indique que le verset n'est pas dans son sens apparent. Mais c'est pas selon notre propre décision, ou notre propre jugement, notre propre opinion, ou nos goûts, ou nos désirs, ou nos passions, qu'on décide quand on l'applique littéralement et quand on ne l'applique pas littéralement. Parce que si on agit de cette manière, alors ça veut dire qu'on a pris la religion pour un jeu et on a suivi nos passions. Et c'est justement à cause de ça que les juifs et les chrétiens ont dévié dans leur religion. Et Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, il nous a avertis justement de ne pas suivre leur exemple dans ces questions-là. Parce qu'il nous a dit qu'ils déforment les versets de leur contexte. Allah subhanahu wa ta'ala il dit par exemple à propos des juifs, يحرفون الكلمة عن مواضعه. C'est-à-dire, ils falsifient les versets, ils les déforment de leur contexte et de leur signification. Soit qu'ils les déforment en déformant le texte lui-même et en le falsifiant, et ça c'est arrivé, ou bien ils le déforment en déformant son interprétation. Hein? Et donc, c'est pour cette raison-là que, à la fin, tu réalises que ils n'appliquent plus rien de leur livre. Hein? Ils n'appliquent plus rien de leur livre réellement. Ils disent non, ça finalement, ça ne veut pas dire ça, ça veut dire ça. Et tu trouves des sectes parmi les sectes qui ont dévié de l'islam, celles qu'on appelle al-Batiniya. Et il y a plusieurs sectes parmi ces sectes-là, comme par exemple les Ismaïliya, les Nusayriya, les Druze et d'autres également de ces tendances-là, qui interprète les versets, non seulement les textes au sujet de la croyance et du raïb, mais également les textes au sujet même des ordres religieuses comme la salat, le jeûne, le hajj et toutes les règles de la religion, ils les interprètent d'une autre manière. Et ils prétendent que ce sont des significations secrètes, cachées, qui ne sont dévoilées ou expliquer qu'aux initiés, et que c'est seulement eux qui peuvent connaître ces significations-là. Donc, ils ont interprété la religion d'une manière ésotérique. C'est-à-dire, c'est juste ceux qui sont initiés à leur secte qui peuvent le comprendre selon eux. Et bien entendu, yani, ces interprétations qu'ils ont inventées n'ont rien à voir avec l'islam. Hein? Et à cause de ça, ils ont dévié. C'est-à-dire, ils vont dire prier cinq fois par jour, ça ne veut pas dire prier cinq fois par jour, ça veut dire autre chose. Hein? Ou bien faire le jeûne, ça ne veut pas dire de s'abstenir de manger et de boire, mais plutôt ça veut dire de garder les secrets de la secte. Et ils ont plein d'interprétations comme ça. Et même ils disent les anges. C'est pas vraiment des anges, ils interprètent toute la religion d'une autre manière. Donc pour dire qu'à la fin il reste plus rien, il reste plus de religion, puisque tout ce qui a un sens est déformé et dénaturé et falsifié. Et donc il y en a des gens comme ça parmi les gens du livre qui ont fait ça avec leur livre, et il y en a d'autres qui se prétendent musulmans qui veulent agir de la même manière, que ce soit chez les gens qui ont dévié dans les sectes, qui ont voulu interpréter la foi d'une autre façon, ou interpréter le tawhid d'une autre façon, ou interpréter les noms et les attributs d'Allah d'une autre façon, et ainsi de suite. Et il y en a maintenant aujourd'hui qui sont en train de faire la même chose avec tout ce qui a rapport avec, par exemple, les questions du mode de vie occidental. Et donc ils veulent déformer le sens des versets et des hadiths pour faire en sorte que la façon dont les musulmans vivent soit copiée sur le mode de vie occidental. Et tout ce qui n'est pas en accord avec le mode de vie occidental dans le Coran et dans la Sunna, eh bien ils veulent le renier ou bien le réinterpréter pour le changer et faire en sorte que les koufars soient satisfaits des musulmans. Donc ça c'est des exemples de ces attitudes-là, et tout ça c'est pour cette raison-là qu'ils disent les salafistes sont des littéralistes, parce qu'ils ne veulent pas en fait que les musulmans prennent qu'est-ce que Allah dit et son messager sallallahu alayhi wa sallam, et comprendre la religion également selon la compréhension de nos pieux prédécesseurs. Ils veulent que, bien entendu, on change notre religion pour qu'elle soit en accord avec leur façon de vivre et leur passion à eux. Donc, ayant dit ça, maintenant on va continuer avec la suite. Le cheikh, il cite un autre hadith de l'introduction de Ibn Majah, rahimahullah. Il dit, « وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَى قَالْ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَنَحْنُ نَذْكُرُ الْفَقْرُ وَنَتَخَوَّفُهُ فقال الفقر تخافون الفقر تخافون والذي نفسي بيده لتصبن عليكم الدنيا صبا حتى لا يزيغ قلب أحدكم إزاغة إلا هي ويم الله لقد تركتكم على مثل البيضاء ليلها ونهارها سواء. وقال أبو الدرداء صدق والله رسول الله صلى الله عليه وسلم تركنا والله على مثل البيضاء ليلها ونهارها سواء. قال الشيخ الألباني حسن. Donc on va traduire ce hadith. C'est un hadith qui est rapporté selon le compagnon du prophète صلى الله عليه وسلم Abu Darda radiallahu anhu. Il dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est sorti vers nous alors que nous étions en train de mentionner la pauvreté, et on était en train de mentionner à quel point on a peur de la pauvreté. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, est-ce que c'est de la pauvreté que vous avez peur? Hein? Il dit, je vous jure par celui qui tient mon âme en sa main, La dunya, elle va être versée sur vous, complètement. C'est-à-dire, elle va pas descendre doucement sur vous. Elle va être complètement renversée sur vous. Vous allez en avoir plein. Il dit donc, c'est pas la pauvreté dont vous devez avoir peur. Parce que la dunya, vous allez en avoir, plein. Il dit, jusqu'à un tel point que, il y aura pas un cœur il n'y aura pas un cœur d'un d'entre vous qui va dévier, excepté à cause de la dunya. Il n'y aura pas un cœur d'entre vous qui va dévier, excepté à cause de la dunya. Il dit, je jure par Allah, je vous ai laissé sur une voie blanche, sur la clarté. Le jour et la nuit sont pareils, dans le sens que les deux sont clairs et visibles. Que ce soit dans le jour ou dans la nuit, c'est la voie, elle est claire. Et Abu Darda, il a dit vrai par Allah, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il nous a laissé par Allah sur une voie claire, blanche, éclatante. Sa nuit et son jour sont pareils. Aussi clair le jour que la nuit. Et le cheikh, il explique ce hadith là. Il dit, il y a trois points bénéfique qu'on peut tirer de ce hadith-là. Ou bien il y en a peut-être plus, mais il dit ici, il en a mentionné trois. الفائدة الأولى يجوز للمرء أن يذاكر من يثق من دينه وأمانته ما يشكل عليه من أمره في الدين والدنيا. ويجب على المذاكر أن يحفظ السر لأنه مؤتمن. Le premier point, le cheikh il dit qu'il est permis à une personne de mentionner à quelqu'un en qui il a confiance dans sa religion et dans sa fiabilité, dans son honnêteté, de lui mentionner quelque chose qui lui cause du trouble ou du problème dans les questions ou les affaires de sa religion ou de sa vie d'ici-bas, de sa dunya. Et il est obligatoire à la personne à qui il mentionne un secret de préserver son secret et de le garder, car il est chargé de cette responsabilité-là et de ce secret-là. Il doit le garder de manière fidèle et honnête, parce qu'il lui a fait confiance. Deuxième point, la preuve de quoi il a tiré ça? C'est le fait que les sahabas, ils étaient en train de discuter entre eux, ou certains d'entre eux, ils étaient assis en train de parler de la pauvreté, et ils mentionnaient que ça leur faisait peur. Hein? Le deuxième point, al-fa'idatu thaniya, hirsu an-nabi sallallahu alayhi wa sallam ala ma yahfadhu ala al-umma dinaha, kama annahu harisun kadhalik ala nasihatiha fi amri dunyaha, wa lihadha hadhara min infitah ad-dunya alayha alayhim, فقال الفقر علي الفقر تخافون والذي نفسي بيده لتصبن عليكم الدنيا صبا وفي هذا معجزة من معجزاته صلى الله عليه وسلم وعلم من أعلام نبوته شهد به أبو الدرداء رضي الله عنه قال صدق الله صدق الله صدق والله رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا تنبيه أو بشارة منه صلى الله عليه وسلم باتساع الفتوح واتساع رقعة الإسلام واتساع الغنى في أهل الإسلام وقد حصل وشهد به وشهد به أبو الدرداء رضي الله عنه وهذا واضح فإن من خبر التاريخ الإسلام لا يخفى عليه هذا فإن من خبر تاريخ الإسلام لا يخفى عليه هذا. Le Cheikh, il dit, deuxième point, c'est que on voit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a un désir très fort de vouloir préserver la umma dans sa religion, comme il a également un désir ardent de vouloir clarifier sincèrement les choses de la dunya aussi pour les musulmans. Et c'est pour cette raison qu'il a averti sur le fait que les musulmans allaient avoir la dunya qui va s'ouvrir à eux complètement. Et c'est pour ça qu'il a dit, est-ce que vous avez peur de la pauvreté? C'est de la pauvreté que vous avez peur? Il dit, par Allah, par celui qui tient mon âme en sa main, elle va être versée sur vous complètement. Hein? Vous n'avez pas besoin d'avoir peur de manquer de quelque chose ou d'être pauvre. Au contraire, vous allez être très riche, vous allez avoir beaucoup d'argent. Et c'est ça qui me fait peur, en fait. Et ça, c'est un des miracles parmi les miracles du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et un signe parmi les preuves de sa prophétie, qu'il a témoigné de. Et Abu Darda a témoigné de ça. Hein? Il a témoigné de ça, et Abu Darda a dit, il a dit vrai. Hein? Le messager d'Allah a dit vrai. Les sahaba, ils l'ont vu. Hein? Au début, comme s'ils regardaient à Mecca comment les musulmans étaient dans la difficulté et comment Allah subhanahu wa ta'ala les a par la suite aidés lorsqu'ils étaient à Médine. Il leur a donné des victoires et le support. Et après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'islam s'est répandu partout sur terre. Et c'est ça que le cheikh il dit. Il dit ça, c'est une annonce ou une indication du fait qu'il y aura de grandes conquête et que les terres de l'islam vont s'élargir et que la richesse des gens de l'islam également allait s'élargir aussi. Et c'est des choses qui se sont produites. Et Abu Darda a témoigné de ça. Et ça, c'est une chose claire. Et toute personne qui est informée de l'histoire de l'islam, eh bien, ça, c'est pas quelque chose qui lui échappe. C'est quelque chose qui est connu. Troisièmement, le Cheikh il dit al-fa'idatu thalitha wa hiya ash-shahid fi qawlihi laqad taraktukum ala mithli al-bayda' wal murad bihi as-sunnah shabbahaha bir-ruq'ati al-bayda' yani wa qala laylaha wa naharaha sawa' wa hadha dalilun ala anna as-sunnah wadihatun yasiratun تكفل لمتبعها سعادة الدنيا والآخرة وأنه لا يزيغ عنها إلا هالك كما أن الدنيا هي سبب للزيغ والمقصود الانغماس في الشهوات والانهماك في الملذات فإن من ينغمس في شهواتها وملذاتها حتى تشغله عن الآخرة فإنه يسلك ما هو سبب لزيغه وانحرافه فكذلك السنة من تمسك بها وجد في التمسك بها ولم يرضى بديلا عنها فإنه يبقى على الحق المستبين وينال سعادة الدنيا والآخرة. وعلى العكس من ذلك من اتبع الهوى وحكم الرأي المذموم فإنه يهلك، لأنه يزيغ عن الصراط المستقيم. وفي هذا إذن تنبيه على أنه لا يسوغ للمسلم أن يعارض سنة النبي صلى الله عليه وسلم بالرأي. وقد قدمت لكم تفاصيل الرأي وأحكامه حسب ما وقفنا عليه باستقرائنا في شرحنا لأصول السنة وغيره، فليراجع ذلك من شاء فليراجع ذلك من شاء. Le cheikh il dit dans le point 3, le troisième point qu'on peut tirer de ce hadith, c'est dans la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il dit je vous ai laissé sur comme quelque chose qui est blanc, comme quelque chose qui est blanc. Et il dit que qu'est-ce qu'il veut dire ici, c'est-à-dire la sunna. Il vous a laissé sur une voie éclatante et qui est blanche, claire. Sa nuit et son jour sont pareils, c'est-à-dire aussi clair le jour que la nuit. Et ça, c'est la preuve que la sunna, elle est claire et elle est facile. Et qu'elle offre à la personne qui la suit le bonheur dans cette vie d'ici-bas et dans l'au-delà. Et que personne n'en dévie, excepté qu'il va périr. Hein? Et que, de la même manière que dans la vie d'ici-bas, la dunya, elle est une cause de déviation. Et qu'est-ce qu'on veut dire par le fait que la dunya dans cette vie d'ici-bas est une cause de déviation? C'est parce que, qu'est-ce qu'on veut dire par là? C'est le fait de s'enfoncer complètement dans les désirs et les passions, hein, et les plaisirs illicites. Et celui qui se noie et qui s'enfonce dans ça, dans ses passions et ses désirs, et au point de se laisser distraire de façon complète de l'au-delà, hein, alors c'est clair que cette personne-là, à cause de ça, hein, ça va le faire dévier. Ça va le faire dévier et il va quitter le droit chemin à cause de ça. De même que la sunna, celui qui s'y accroche, celui qui reste accroché fermement sur la sunna, il ne va pas accepter quelque chose d'autre à sa place. Hein, il ne veut pas aucun remplacement à la sunna. Et il va rester sur la vérité qui a été clarifiée et claire. Et il va obtenir à cause de ça le bonheur de la vie d'ici-bas et de l'au-delà. Et le contraire également pour celui qui a suivi sa passion et qui a jugé selon son opinion, qui est blâmable, hein, il va périr, hein, parce qu'il s'est dévié du droit chemin. Et ça, c'est une indication ici de faire attention pour que le musulman fasse attention de ne pas opposer la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam par son opinion personnelle ou par sa raison ou par ses jugements personnels. Qu'est-ce qu'il pense être raisonnable? Et de donner précédence à ça sur la sunna. Il dit que j'ai déjà expliqué préalablement des détails au sujet de ça. Et celui qui veut avoir des exemples de ça peut retourner à notre explication du livre Usul Sunna. On en a parlé là-dedans, c'est ça ce qu'il dit. Donc, si on retourne à Usul Sunna, on va trouver des réponses et des détails là-dessus. Peut-être que, inshallah, on fera référence à ça. On va vérifier si c'est bénéfique. Inshallah, on va revenir avec ce point-là aussi. Naam. Donc, on va s'arrêter donc à ce point-là. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.